national. Et tu dis statut ni rebelle. L'ONU fait quoi assemblée. Si on y se réhabilite. Va nous pas faire. Établi qu'à passer laisse la main sous silence. Next civil et même préjudice. Pas demander réhabilité. Est-ce que ni des poids des merci. En justice à des vitesses. L'esclavage passé sous silence. C'est un crime contre l'humanité. Ça nous va faire. Nous mander. Peuple Guadeloupe, en cas espéré, ils ont bien. Sankofa, ben, sorti commencé. En avec Frédéric Jodla. Bien bonjour Frédéric. Bien bonjour Pascal, bien bonjour Peuple Guadeloupe, bien bonjour la famille, bien bonjour les Timounes. Et un bel gros bonjour pour les grands-mères et les grands-pères. Bonjour pour tout le monde à la mienne qui a écouté l'émission à Sankofa. Puis bonjour à ben, tout le monde Guadeloupe, tout le monde connaît. Pascal et Simène, avec vous-même. Simène l'a bien passé, bien chargé, un beau travail. Mais bon, il semble, c'est le travail, c'est la vie. Eh bien, de toutes les manières, et si pas ni ça, il n'y a pas qu'à tourner tout le temps quand il y a un pangal, et nous, quand vous voyez, ben, chalet, l'appli, et ben la vie qu'a consigné, hein, de toute manière. Effectivement. Frédéric, ben nous sorti dit bonjour. En cas lancé Antimosso Music, parce qu'il semble qu'invité en nous sonner en pote là. Oui. Alors. La société pas bien rete piponnière. Abista quoi qu'a comploté. La société pas bien rete tout bonnière. Car roule pour y faire plier. Pas ni pronom qui non va si la terre. De ça faut pas jamais douter quoi. Sur Chiméa, ça la marron laissé. Sur Chiméa, c'est ta dignité. Il y a droit faire avancer. C'est chien moun. connaissant Mounza, Figi Amoun, bon, je sais connaître Mosso Lassin, de toute façon, pas besoin de présenter. Nous devons tout. Nous devons tout, Frédéric. Oui, donc, invitez-nous à entrer de Pouta. Excusez-nous, nous sommes obligés de danser un petit moment, mais nous avons dit, nous avons fait la voie. Bah, vos émissions, nous allez. Nous te prévois de parler d'un bitin qui est vraiment important pour nous la diaspora africaine, qui c'est les droits, qui assis les droits fondamentaux des descendants, des personnes d'ascendance africaine. Il y a un texte qui est adopté par le Parlement européen. Si vous êtes au courant de l'actualité, j'attends ça. Nous décidons de parler de ça, je de là, en introduction à l'émission en nous. Ça nous a fait, nous a lancé vidéo là. Et puis nous qu'est beau compter si ça après. Frédéric. Oui lancer et puis nous qu'est beau compter après en l'air. Ok, alors vidéo là c'est Sarah Gann qui est formatrice à Diaspora Vote qui a incité donc voter pour dans prochaine élection européenne pour nous faire adopter texte là. Donc nous qu'à écouter. Cette semaine, nous allons parler d'une résolution très spéciale qui, pour la première fois, parle de la question de l'afrophobie en Europe. Elle est portée par Cécile Kyenge. Une résolution permet au Parlement européen d'enjoindre un État membre et ou une institution européenne à porter son attention sur une question en particulier. C'est la première fois qu'on parle au sein du Parlement européen d'afrophobie. Dans ce contexte, il s'agit d'encourager les institutions européennes et particulièrement d'encourager la législation européenne à être construite de façon à ce que les personnes d'ascendance africaine en Europe puissent bénéficier et jouir de leur citoyenneté dans son entièreté. Cette résolution part d'un constat qui a été fait depuis plusieurs années et qui a été aussi souligné par plusieurs autres institutions. L'Agence des droits fondamentaux européens qui a sorti son rapport récemment sur Being Black in Europe, ce que c'est que d'être noir en Europe, mais aussi soulevé par l'ONU qui a en 2015 lancé la décennie des personnes d'ascendance africaine. Il s'agit donc de montrer que le contexte européen est empreint d'une histoire et d'un climat politique qui dessert beaucoup les populations d'ascendance africaines qui sont donc victimes de racisme, de crimes de haine, mais aussi de discours de haine. Cette résolution a pour but de réduire et identifier aussi ces discours de haine pour pouvoir les punir au mieux. Il y a aussi dans cette résolution un enjeu de suivi de la mise en place des directives. Cette résolution s'appuie aussi sur un contexte législatif existant qui réside dans la Charte des droits fondamentaux européens, mais aussi la Directive sur l'égalité des années 2000 et sur les principes et valeurs qui sont déclarés par l'Union européenne comme fondamentales. La résolution a été votée hier en plénière par l'ensemble des parlementaires européens. Et les résultats s'affichent en dessous. C'est donc une réelle avancée pour la cohésion sociale européenne, mais de faire face à un contexte de violence croissante contre les personnes d'ascendance africaine, mais aussi pour une intersectionnalité qui vont être adressées par cette résolution. Il est donc très important aussi de se rappeler que le 31 mars, c'est la date limite pour s'inscrire sur les listes électorales pour pouvoir voter aux européennes. Alors c'est à votre tour de faire en sorte que cette résolution ne soit pas lettre morte. C'est tout pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine. Bonjour. Donc voilà, on va espérer autres comprendre ça fil a dit. Parce que le texte là, ça vraiment, vraiment, vraiment important pour nous, la diaspora. Texte là, là, il dit que il a adopté hier. En fait, c'était le 26 mars 2019. Donc, texte là, il y a si les droits fondamentaux des personnes d'ascendance africaine en Europe. Et Katesla a dit, il a invité tous les États membres et les institutions européennes, en Kelly, Antimosso, Bazot, Donc, il invite les États membres et les institutions européennes à reconnaître que les personnes d'ascendance africaine sont particulièrement exposées au racisme, à la discrimination et à la xénophobie, et de manière générale jouissent de façon inégale des droits de l'homme et des droits fondamentaux, ce qui est la définition même du racisme structurel, et qu'elles doivent bénéficier à titre individuel et collectivement d'une protection contre ces inégalités, y compris par des mesures positives visant à promouvoir la jouissance pleine et égale de leurs droits. Bon, en Pekeli, tous ces éléments là basote, mais il nie 20, 23, 24, 28 éléments que le Parlement européen a dit, et donc il a incité tous les États membres à mettre en place, ça notamment certifie la palette elle est là, la décennie des personnes d'ascendance africaine. Donc, qui a incité les pays membres à mettre Bitana ça en place, qui poco en place en France, parce que bah, l'État français qui a fait d'ailleurs, comme on a dit, et faut nous savoir ça, et faut nous clé et mettre et faut nous bientôt voter pour ça. Donc, on a invité les autres à voter massivement, parce que faut pour une fois, enfin partager texte là sur WhatsApp, on savait qu'il souvoie, donc il a tourné en partagé, donc si les autres souvoient partagé en masse, parce que faut nous toutes savent ça, faut nous toutes au courant dit ça. Oui, faut nous savoir aussi que personne d'ascendance africaine, c'est nous, c'est moun qui déplacé durant la traite transatlantique, c'est tout descendant à peuple africain qui a vécu en Europe, en Amérique, qui a dans d'autres pays, et c'est un ensemble d'articles qui a visé à protéger tout ascendant à peuple africain contre tout racisme que Yoka subit dans le monde, que Yoka subit jusqu'à présent, et que de toute manière nous ca voyons ici très bien que nous ni des subsistances à ces traitements là ça. Donc ces articles là ça fait pour protéger et tout ascendant à peuple africain pour le racisme et peut arrêter fait pour toute injustice que le peuple africain a subi, le carité moun, nous avons bien vrai, le monde qui a souffert plus, c'est le monde qui n'est pas foncé. Au niveau du travail, nous avons le monde qui a trimé plus, c'est toujours les mêmes, c'est toujours le monde qui n'est pas foncé. Nous avons bien regardé que dans le monde, qui nous a voit plus en la rue, c'est toujours les mêmes mounes, c'est toujours ces mêmes mounes à ça. Donc tous ces articles à ça, toutes ces lois à ça, c'est pour ça peut arrêter, et l'ONU a dit tout pays européen, faut organiser que dans pays à yo, que tout africain, on peut comprendre que c'est des mondes qu'on tout le monde, et que nous n'y droit d'exister, nous n'y droit de vivre qu'on tout le monde a dans tout pays que nous y est, parce que il dit que tout nous égal, donc pas ni raison que ni on parti à monde qui a souffert et que l'autre là qui a joui de toute loi. Donc c'est pour ça que l'Assemblée générale de l'ONU qui a mis debout de ces jours là ça, et puis qui a dit peuple européen organiser les autres pour aller dans le pays à autres pour tout ce traitement là ça peut arrêter, mais surtout nous savons très bien que la France projet peut rentrer à dans cadence, puisque oui c'est lui toujours qui doit suprématie, et c'est lui qui doit régler tout butin. Donc effectivement c'est un butin qui est important pour nous, parce que nous avons subi depuis des années et des années, et nous continuer à subir. Donc faut effectivement que ça arrête. Donc si au même cas décidé que ni des injustices qui a fait, que c'est pas normal que ni des monde qui a souffert, que c'est pas normal que ni des petits monde qui a traîné dans la rue, que c'est pas normal que c'est toujours les mêmes, c'est pas normal que culture en nous, pas qu'à sortir d'autres côtés que nous invisibles. Donc faut ça organiser pour que tout bitin rentre dans le rang et que tout le monde égale patte et égale modan. Effectivement, et nous TV a ajouté aussi, c'est que nous est souvent donc en communiqué de presse des Olivier Servat qui est engagé pour la France mettre en œuvre la destinée internationale des personnes d'ascendance africaine, parce que quand on disait tout à l'heure là, l'Europe indiquait que effectivement il avouait qu'il y a un habitant qui pas qu'a fait, c'est pour ça il a sorti résolution là ça, et par rapport à ça la France par exemple qui y en des plus grands puissances coloniales et j'ai que j'en dis joue toujours qu'a fait des si ça, et donc en quel y a un petit morceau à communiquer de presse là, monsieur Olivier Servat en tant que parlementaire français représentant de la Guadeloupe s'est donc engagé à solliciter un entretien avec le président de la République ainsi que le président de l'Assemblée nationale afin d'identifier les moyens d'action permettant une mise en œuvre effective de cette décennie. Donc nous qui voyons ça capoté. Monsieur Maier, c'est important pour nous, et faut nous vraiment prendre conscience que nous qu'à penser, parce que nous en pays Guadeloupe tout bitin qui est bien une belle voiture, une belle case, et que bon nous pas subi ces souffrances la salle, nous qu'à penser que nous a pas, et que bon pour nous nous a si on tuniage, et que bon tout bitin qu'a roulé bien, lorsque ça totalement faux, c'est en leurre, et c'est pour ça que faut nous rester réactifs, et il est nous avons des tests comme ça, faut nous positionner nous et pour bah, plus force, et que pour les qui prend les lois et les mesures qu'il faut pour que toute inégalité peut arrêter, pour nous dire aussi que effectivement nous adhérons et nous pas d'accord à ça qui a fait, nous pas d'accord que peuple africain qui a souffert, nous pas d'accord que nous-mêmes aussi dans un pays Guadeloupe nous n'y autant d'injustice, et que Timon en nous en la rue, système scolaire en nous pas caille. Donc faut nous vraiment prendre en position si ça, et que toutes ces bitins là ça peut arrêter, parce que ça pas qu'à faire des siècles ça qu'a duré. Donc il est temps que tout bitin bout. On se dit africain et fier des lettres, immigré sur la terre du colon. Pas moi français, je maîtrise les lettres. Patrie d'Afrique où la gloire, c'est ce qu'on se disait. La vie des rêves, les réseaux sociaux et les business. Maman a dit qu'en Europe, y'a pas de guerre, c'est bien. Mais pour l'instant, c'est la haine, si t'as pas peur, je vais bien. Je tente ma chance au pays des droits de l'homme. Pays de la liberté, là où les lois sont plus grandes que les hommes. Quoi tu que ça nous plaît de courber les chines. Pas longtemps, on était rois, aujourd'hui on court derrière la Chine. On traite de sangsues, de profiteurs. Mais l'origine du flux migratoire, c'est le soutien des dictateurs. Ils mettent des pontins qui entretiennent la France-Afrique, qui tue le peuple, crée la misère et l'antipathie. Si je brave la mer, c'est pas pour la déco. Non, comment dis-tu, chacun chez soi, si chez moi t'as le droit de veto. On vient prendre ce qui nous pille et on rentre sous le mandat. On veut plus de la France-Afrique, mais la politique de Sankara. Bien sûr que je suis Charlie, mais qui va pleurer pour Kinshasa? Qui va pleurer pour Kinshasa? Au pays des merveilles, on se fait la guerre pour du Nutella. Je ne me sens pas concerné par le rap de France. Et pas d'identité, mais c'est moi le blédard. Africain du dimanche, les négros ont le choix. Mais je ne peux pas venir de Brazzaville et me battre pour le 9-3. Je vois mes frères convertis faire l'autruche, qui ignorent l'esclavage en Libye et se défoncent pour la Palestine. Unité africaine est un atout. Mais si le Maghreb veut faire ça nous faire, on devra faire sans eux. On devra faire le point entre religion et raison. Trouver l'abcès pour faire naître une nouvelle réflexion. Un nouveau type d'Africain, courageux et fier. Je pense que même Dieu est pour la dignité de mes frères. qu'on dise les choses avec honneur. Être africain, faut le vouloir, c'est au-delà de la couleur. 236, je porte le brassard. Je sais qu'il me boycotte, mais j'ai plus de talent que les 3K. On vient prendre ce qui nous piche, et on rentre sous le monde arabe. On veut plus de la France-Afrique, mais la politique de Sankara. Politique de Sankara. Que je suis Charlie, mais qui va pleurer pour Kinshasa? Qui va pleurer pour Kinshasa? Au pays des merveilles, on se fait la guerre pour du Nutella. On se fait la guerre pour du Nutella. Il y a une masse populaire en Europe. Nous ne sommes pas opposés aux masses populaires en Afrique. Mais ceux qui veulent exploiter l'Afrique, ce sont les mêmes qui exploitent l'Europe. Nous avons un ennemi commun. Et Grégor, Lettre aux Africains, un morceau assez explicite. Frédéric, nous avons passé à la deuxième partie à l'émission, nous. Mais oui, parce que nous a bien parlé de l'Europe. À présent, faut nous parler de nous. Problème en nous qui et qui tend nous, on passe à si tend nous réellement parce que nous pas des bandes pour mon aïe. Oui, et effectivement. Nous, et nous trouvons nous prier à Dany. Et nous avons aujourd'hui jour, pour nous ne veut pas prendre la responsabilité, pour nous ne veut pas assumer le rôle à yo à dans ça. Et tout le monde a dit, c'est pas yo, c'est l'autre là. Et en fin de compte, il y a juste une vidéo que oh, c'est anti-banalité. Nous, pas ça, nous a dit, il ne faut pas nous exagérer, c'est ça. Donc, invitant nous qui c'est Monsieur Philippe Verdol, nous qui débattons avec si ça, si Claude Déconne, et pour savoir, à qui point arrivé à dans recours justice qu'il demandait et on l'a nouillé justement si Claude Déconne qui en Guadeloupe et si ni Demezia prend quand nous doit être fait. Alors Philippe bien bonjour. Bien bonjour Frédéric, bien bonjour Pascal. Bien bonjour peuple Guadeloupe. Pour que ça ou faire au courant et en justice justement si Claude Déconne en qui l'état ça y est qu'à sa baille et qu'à nous peut attendre qu'à nous peut et si nous n'habitons à faire qu'à nous doit être fait. Oui. Alors, effectivement, nous faisons au courant en justice. Si nous t'es fait en juin, le 29 juin, nous déposer ça au tribunal administratif de Paris. Et c'était pour demander justement que yo abroger les limites maximales de résidus, enfin abroger le texte. Un texte qui a daté du 30 juin 2008, et c'est qui était fixé ces limites-là que nous nie bon, actuellement. Bon, alors ça c'est première action qu'on a fait en Kébaï Démo en l'Essatalé. Deuxième action là à présent, c'est que nous rentrons à nos dossiers, c'est-à-dire que nous demandons, yo, mettez-nous partie civile et yo accepté. Ainsi, on dossier au pénal que des associations guadeloupéennes et martiniquaises t'est fait depuis 2006. Bon, dossier là, j'ai un cahier. Mais le fait que nous ayons accès au dossier, ça permet nous demander au juge là, faire des recherches complémentaires. Et parmi les thèmes qui intéressaient nous, c'est vérifier justement si tête à cette immunité, si intelligence a eu qu'à fonctionner bien en particulier dans le sud Basse-Terre. Donc des études, ce qu'a créé études épidémiologiques qui méritaient faites d'après nous. Et troisième volet là à présent, c'est un volet réparation pour les victimes du chlordécone. Et là aussi, donc, deux mois laisse. Alors, en cas commencé à si les limites maximales de résidus. Nous avons demandé qu'il y ait aboli ce texte-là. Et finalement, l'État français était dit nous comme ça. Bon, il a fait des changements, attendre, il a essayé de faire ça dans les meilleurs délais possibles. Bon, donc, et effectivement, le 29 janvier, il mettait des d'autres textes. C'est on a arrêté que est publié à les limites maximales de résidus. Et arrêter là, ça, il pas qu'à abolir l'autre là qu'on nous t'a demandé, il a modifié, et finalement, les qu'a modifié, l'État français qu'a dit que, par exemple, pour viande bœuf, eh ben, les limites, ils étaient à 100, ils ont viré à 20. Pour les viandes rouges, les viandes blanches, donc pour les rouges, c'était comme ça, pour les blanches à présent, eh ben, ils étaient à 200, ils ont viré à 20. Et les bas informations là, ça, en fait, ils ont reconnaître que entre 2013 et 2018, était multiplié ces limites-là par 5 pour les viandes rouges et par 10 pour les viandes blanches. Et il était dit comme ça que c'est l'Europe qui demandait ça. Et l'Europe, nous député qui interrogeait, c'est Younous Omarji, en mars 2018, il demandait, mais pour qui bitin ça fait un bon comme ça. Et l'Europe dit comme ça, il n'a pas jamais demandé ça, c'est la France qui fait ça d'elle-même. Bon, alors donc, la France prend arrêté en janvier 2019, en fait, il était qu'à reconnaître qu'a été fait un surempoisonnement à population à Guadeloupe et à la Martinique pendant 5 ans. Et c'est parce que nous voyons là bout tout ça, bon, nous commençons à parler ça, bon, nous t'ai écrit tout le monde, écrit la presse et tout ça, que, eh ben, ils ont décidé, fait des modifications. Donc, nous virer à un niveau qui c'est avant 2013. Mais, quand même, nous avons considéré que les limites maximales de résidus n'ont pas acceptables. N'ont pas acceptables en l'État. C'est un bitin qui a discriminé les populations antillaises et c'est un bitin qui a empoisonné nous. Donc nous avons continué toujours le combat là, comme nous avons déjà commencé là. Et bien nous avons continué toujours devant un tribunal là. Alors Philippe, on a nous qui a été doucement pour les gens qui ont écouté nous peuvent bien comprendre. Ça veut dire avant vous avez commencé à agir, déjà on premier texte qui est déjà sorti. Oui, essayez de nous brièvement, quand le premier texte a dit réellement, ça c'est un premier bitin. Et là, quand on parle de limites, ça veut dire que c'est limite à taux d'acceptation que nous pouvons manger, ça nous a produit. Donc c'est ça la limite là réellement. Oui, c'est-à-dire que limite là à présent, c'est en décision politique. Il y a qu'à dire que ben, on peut fouer tant de poison encore. Mais il y a qu'à baser aussi qui bite, est-ce qu'il y a qu'à faire des textes avant, mais si il y a quelqu'un qui décide, ben c'est comme ça. Eh bien, il y a qu'à dire des agences spécialisées, par exemple l'ANSES, c'est l'Agence nationale pour la sécurité sanitaire de l'environnement, du travail et de l'alimentation. Eh bien, il y a qu'à dire, étudier qui. Valeur toxicologique de référence, qui limite maximale de résidus, t'es qui intéressant. L'ANSES qui a fait l'étude d'ail, il a balancé le rapport d'ail, et le gouvernement là à présent, il a décidé politiquement. Par exemple, il était demandé en 2017, est-ce que justement les limites pour viennent là, c'est-à-dire à 100 microgrammes, le fait qu'ils multiplient par 5 et le fait qu'ils multiplient par 10, est-ce que ça a protégé santé à les Antillais? Et l'ANSES dit, bon, oui, c'est vrai, ça haut, mais les étudier sans chiver et puis ça à ces Antillais là, et qu'a constaté que les mounes qui n'ont pas un problème, eh bien, c'est les mounes qui ont acheté en supermarché. C'est lui qui n'a pas de problème. Donc, il a dit l'État continue à foutre des faits. Continue à foutre des faits. Donc, ni l'État ni en conscience scientifique. Oui, tout à fait. Et quand empoisonné et puis conscience scientifique. Oui. D'accord. Mais là, il a fait les tests comme ça. Est-ce que. Parce que nous savons très bien qu'il y a des côtés qui, plus ou moins, a attaqué. Oui. Qui d'autre? Alors, elle le café c'est Tesla ça. Est-ce que y a généralisé si toute la Guadeloupe? Est-ce que y a ciblé les côtés qui sont empoisonnés ou bien y a fait ça au hasard? Non, y a une méthodologie, y a étudié différentes zones, mais après ça y a conclu ça y a envie de conclure. D'accord. Et c'est d'accord. Ça. Et nous avons trouvé nous en situation là ça. D'accord. Bon. Alors donc, nous t'es qui est différent entre le premier texte là Et deuxième, là, ça a changé concrètement. A pas un seul qui n'y a une série de textes, a pas un seul, tout seul. Bon, point de départ, là, pratiquement, c'est 2005. Parce que nous revirons encore dans un règlement européen à 2005, numéro 396-2005, et ni on dote texte à 2008, ni on dote à 2012. Enfin, ni on série texte. Il faut croiser tout ça pour essayer de voir la limite. Mais bon, depuis 2008, nous avons vu que ni on différence de traitement entre les normes, puisque on va dire que c'est des normes qui politiques, et même on va considérer que c'est des normes qui colonialistes. Colonialistes. Eh bien, ni des différences entre les normes que vous appliquez pour nous et les normes que vous appliquez pour Français et Européens. Bon, par exemple. Attends, ça veut dire que pour nous ni un traitement spécial. Oui, parce oui. que nous, c'est Guadeloupe, Martinique. Oui. Et la France, c'est. T'as eu un petit plus allégé, plus belle. En Kébar, deux exemples. Bon, principale production en nous, c'est Sike Banane, c'est principale production en nous. C'est comme ça yo mettez en nous. Eh bien, en 2006, l'INRA produit un rapport. Il montrait que l'ait analysé banane, bon, selon les méthodes habituelles d'analyse, il n'y a pas qu'à trouver chlordécone en banane. Mais si vous analysez, si vous créez les deux premières mains à dans le régime à banane, et si banane là, ça poussait dans les sols qui étaient contaminés, il n'y a qu'à trouver chlordécone là-dedans. Bon, et donc, il n'y a qu'à trouver des niveaux de chlordécone, il y a trouvé 12 microgrammes et 17 microgrammes, qui empêcher l'exportation à banane dans l'Union européenne et empêcher consommation à banane localement même. Bon, alors là j'ai trouvé ça, les limites maximales, les premières limites maximales t'es chlordécone, t'es en préparation, il était pour sortir en 2008. Et donc yo porté mon neuf, yo fait les lobbies mettez yo en action et qui fait que dans texte à 2008 là à présent, ni une dérogation pour les fruits et légumes tropicaux. Pour l'Union européenne, tenions seuil de détection, c'était 10 microgrammes. Donc pour les fruits et légumes de l'agriculture tempérée, depuis où trouver un pesticide interdit, un pesticide et qui a dépassé 10 microgrammes, interdit de commercialiser ou qu'un poisonné européen. Nous, nous ferons dérogation à 20 microgrammes depuis 2008 pour les fruits et légumes, nous n'y 20 microgrammes parce que l'INRA a trouvé un maximum de 17 microgrammes en disant banane là. Bon, donc voilà, donc ça c'est un premier exemple, banane. Mais un peu bas, un deuxième exemple, c'est sucre. Eh bien, là, on va considérer par exemple, canne et betterave à sucre. Si l'Union européenne t'a dit que si on a trouvé chlordécone en disant en betterave à sucre, bon, officiellement il y a PKP parce que officiellement il y a pas servi puis ça en Europe, mais en réalité il y a l'autre pays européen qui servi puis parce que ni des rapports on laisse ça. Bon, alors donc si pour betterave là, eh ben limite là, c'est 10 microgrammes. Pour canna, pour 6 cas canna, donc sucre de betterave, c'est 10 microgrammes. Pour sucre de canne, eh bien, il y aura bas au 20. Là, on a cité café tous les jours, il y aura autorisé deux fois plus que pour les autres. Fouer encore. Fouer encore. Ouais. D'accord. Donc, ça est important, ce qu'on a dit là, parce que ça nous a revenu un petit bon devant ça nous a dit. Pour la décennie des personnes d'ascendance africaine, oui. Il faut bien voir que faut nous exactement goumer pour ça, pour tout ça, parce que tout ça qui a fait partie de ces lois là, ça, de ces traitements là, ça que ou qu'a expliqué nous bien que nous qu'a subi, de ce que nous qu'a comprendre que nous c'est un petit côté paradisiaque et que nous hors d'état, nous intouchables. Oui, mais faut bien comprendre ça effectivement, parce que bon, Neg, c'est vraiment en qualité qui machin, c'est spécial, spécial, spécial, spécial même. Parce que c'est-à-dire qu'on nous peut habituer et puis on l'obite et nous peut juste habituer et puis méchant ça mon aussi. Eh bien, le 28, en qui revient en les satalèmes, en Jacques a dit ça, le 28 mars, bon, en tant qu'apesté, j'étais invité moi, et puis madame moi, pour on se tente Claude Décone, tenir une journée, tout ça. Bon. Et donc, en tout cas, présenter toute démarche là que nous avons fait là. Et chaque fois que les gens te viennent, en tout cas, demandez-vous aussi, est-ce que vous avez des problèmes de santé, particulièrement. Alors, à cause, j'ai une madame qui dit, moi, madame, bon, madame, t'es une belle petite souris, bienvenue, bien machin, bien tout ça. Il dit, mais non, il n'y a rien. On dit, ah bon, pas n'y a rien. Il dit, bon, il dit, mais oui, mais bon, à part un cancer du sein, un cancer du côlon, il n'y a rien. J'ai comme banalisé le but qui est bon. Et quand il fait pire. La maladie. Il a vivé pire. Et pour lui, c'est normal. C'est normal. Alors bon, alors faut expliquer que c'est pas normal que nos liaisons et puis Chlordécone que faut demander réparation, mais ça pas tant tête même. Tous les jours il a levé, il a marché, il a fait des affaires comme ça quoi. C'est pour lui, c'est la vie, c'est comme ça. Ouais, c'est la vie. C'est la vie. Il a vivé vite. Ça grave. Nous carrer ça, mais ça grave parce que c'est faut peuple comprendre que faut prendre conscience qu'il y a une attaque réelle qui a fait et que vraiment faut réagir parce que si nous pas prendre garde, ben d'ici 5 ans ben oui. nous sommes malades déjà. Bien malades mais nous sommes deux fois plus oui. Parce que nous pas qu'à prendre conscience et nous ne pas attendre. Moi envie dit que c'est parce que nous soit nous paix ni ça aussi. Et nous ne veut pas attendre. Ni ça aussi, qu'à dire que yo paie, effectivement, ni de quoi paie, quoi. Mais des mouns qui paient, eh bien, yo préférez justement faire considérer pas tenir rien pour essayer de vivre normalement. C'est ça qui a bâillé au force, là, délai. Mais ça semble être grave. Parce que là, quand on a ça ou sorti dit là, ça veut dire que. Traitement là, c'est un traitement qui est concret. Yo savent ça yon ka fait. Oui. Yo savent ça yon ka fait. Lui, il est ka autorisé petit bouin moins. Attends, d'autre côté, et puis nous, yon ka dit nous, bof, a pas rien. Chargez yon, bon, ma foi, c'est nègre. Nous résistons. Alors, ni un texte qui paraît, c'est un arrêté préfectoral qui paraît le 29 juillet 2016, Rivière qui interdit, là, faut pas manger rien, faut pas pêcher, faut pas prendre rien dans ces rivières-là, ça. Bon. Et en annexe, yoka bar, non à ces rivières-là, non à ces ravines-là, bon, etc. Et je dis là, en tout cas, comptez yo. Bon, il y a à peu près 300. Il y a à peu près 300, juste Marie-Galante aussi. Par rapport à Claude Décone. Mais on va supposer qu'il ne faut pas nous baigner non plus. Normalement, non, parce que tu as eu d'autres textes qui étaient parés. En 2005, c'était l'ARS qui était voyé. Et il était qu'à dire que puis de l'eau contaminée, il ne faut pas faire pour usage domestique. Et dans l'usage domestique, premier là, c'est douche. Hein. C'est il ne faut pas baigner. Mais seulement pour des raisons d'image de marque, que tu es qu'à disséminer là. Informer la population, pour ne pas mettre, pour rien. Comme ça, bon, vous-même, ou là, mais est-ce que vous savez qu'il y a à peu près 300 rivières qui interdisent 300 c'est tout, presque. Pratiquement toutes. Pratiquement toutes. Il n'y a pas aux communes, boule, ça va faire flipper. Hein. Et le dimanche, le samedi, nous. Oui, c'est là, nous avons un petit fléché, c'est là où on va mettre d'autres encore. Exactement. Ouais. C'est grave. Donc, il faut éviter de dire ça à toi pour que nous soyons habitués. Nous n'avons pas l'habitude d'après ça. Et quand on est là, ouais, bon, c'est vrai. Bon, il y a un petit monde qui entre avec. Quoi, mais il toujours fait ça. Ça, c'est un crime. Mais pour moi, c'est un crime. C'est une abomination totale. Alors que c'est un crime. Et c'est un crime conscient. Oui. C'est parce ça, que eux savent, ils savent ça bien. Ils savent ça bien. Et ils ont sous-informé population là, pour population là, pas comprendre. Et là, qu'ils comprennent pour ça, j'ai trop tard. Déjà trop tard. Mm-hmm. Mais j'ai trop tard. Non, il n'y a pas trop tard. Non, il n'y a pas trop tard. Il n'y a pas trop tard. Jakarta, mais pas trop tard. Vous savez, il a semblé moins qu'il n'y en. Parce qu'on te rappelait en vidéo, pas ni longtemps, c'est ça. Président là dit que pas ni relation. Ouais, il a même mettre le doute, il a dit franchement qu'il n'y a pas de relation. Oui, mais ça, c'est argumenté en monde qui n'a pas envie de payer, pas envie de dépenser l'argent. Ah ben oui. C'est ça, c'est ah ça. Ben oui. Donc Macron vient ici dans du 27 au 30 septembre. Il vient en Guadeloupe, Martinique, Saint-Martin, Saint-Barth, enfin, il monte ses côtés-là, ça. Et pendant que Martinique, il parlait de chlordécone. Alors, il dit comme ça que. L'État qui reconnaît toute responsabilité, alors tout le monde déjà commencé content, mais il a dit quand même, il peut indemniser tout le monde, ça n'a pas été raisonnable. Bon, alors, parce que quand même, il fait 400 000 personnes en Guadeloupe, 400 000 en Martinique, il est un genre chaud, quoi. Il est chaud. Chaud parce que Macron a besoin de l'argent, c'est juste ça. Bon. Alors, il a dit que, eh bien, c'est. Les maladies professionnelles qu'on a indemnisées. Mais au fait, il faut j'en vois, pour l'étude sérieuse qui a montré un lien entre chlordécone et n'importe quelle maladie. Pour l'étude sérieuse, c'est-à-dire que il a dit au Blanchet, Multiné, c'est des petits couillons. C'est terminé. C'est des petits couillons infinis. Donc, qui fait que Macron a l'intention d'indemniser les maladies professionnelles, mais quand il est là, il n'a ni pour maladie professionnelle bon, réelle, donc il n'a ni pour l'argent dépensé. Alors, il fait un appel d'offres pour lancer des études sérieuses, mais études-là pour commencer. Et bon, en attendant, eh bien, il faut d'autres bitins l'argent. Tout à fait. Ouais. Ah ouais, mais c'est mauvaise qualité. Mauvaise qualité. Ouais. Bon, ben donc c'est ça que tu voulais dire. Ainsi, les premières actions que bon qui en cours qu'on nous a fait. Bon, ainsi à présent indemnisation. Donc nous prend mot hein, et puis un avocat depuis bon population la permet de nous rassembler l'argent là pour rouler et puis avocat là ça c'est François Lafogue il est avocat à Paris et spécialité à présent c'est droit de la santé droit de l'environnement et il a aidé en France les victimes de pesticides entre autres parce que il a travaillé aussi. Son avocat Kaoulé, il a mis du côté des victimes. Par exemple, les victimes des essais nucléaires à Mihoua, toutes victimes de l'amiante. Donc il fonctionnait. Et puis aussi, j'ai eu une grande expérience. Bon, alors. Oui, parce que vous avez parlé de l'amiante, mais il a semblé moins qu'il y ait indemnisé des gens qui. Mais c'est-à-dire qu'il y aurait connaître un autre préjudice aussi. Préjudice. C'est ça qui est le préjudice d'anxiété. C'est pour ça que j'ai parlé de ça semaine passée, ou bien semaine dans sa même. Le préjudice d'anxiété. Bon, il y aura à dire que, eh bien, un monde qui est trouvé exposé à l'amiante, eh bien, il a développé une anxiété parce que j'ai savé qu'il est obligé à faire analyse régulièrement et pas savent si qu'il arrivait échapper justement non, à un cancer de la plèvre et tout ça. Et anxiété là, ça a miné. Et ces juges-là, présents, ils ont dit comme ça que ces mouns-là, ils méritaient indemniser. Bon, d'ailleurs, nous-mêmes, nous avons réfléchi aussi pour voir. Qui gens nous peut montrer aussi à dans catégorie là ça préjudice là ça alors donc nous échanger et puis la fogue moi même en mandé qu'on s'amène moun ka vinn faire une action pour indemnisation combien ça ka rapporté bon alors il dit même comme ça que les qui interviennent en France pour les victimes de pesticides c'est de plusieurs dizaines de milliers d'euros jusqu'à 100 000 euros à peu près en moyenne par personne. Par personne. Par personne. Par personne. Ouais. Donc, il dit nous, ça n'a pas qu'à effacer le préjudice là. mais ça peut permettre vous adoucir vie à haut niveau. Mais oui, mais si vous avez besoin d'un cas, vous pouvez aussi un cas de la santé aussi, bon, tout ça. Donc, vous n'avez pas besoin ni chercher à aval, ni tout ça. Et c'est bitin qui est important. Et au cas de son bitin bâtiment aussi, quoi. Donc, c'est ces informations-là que nous a lancé. Et en TV, aussi parler de expérience là que nous fait les nous commencer communiquer en décembre ici dans la forme des ici dans et en particulier rassonger à Gourbert et puis en rassonger aussi à Zabita. À Gourbert tenir en bout, c'était un ancien pêcheur, mais il était qu'à exprimer au nom des pêcheurs. Et à vieux habitants aussi, tenir en agriculteur responsable de syndicat de petits paysans. Bon, il y a tous les deux, dis-nous, même bitin là, là, ils interviennent. Et sur le moment, on pas guère comprendre. Et c'est comme ça, mais l'indemnisation n'a pas ça qui est important. Alors, moi, ma garçon, j'ai des habitants, bon, ça fatigue moi tellement d'entendre ça, parce que son victime a dit qu'on n'avait pas besoin de réparation. Bon, alors, on dit qu'on ça, mais en cas songer, un projet parti en croisière, mais peut-être faut m'en foutre en croisière aussi, parce qu'en panique, quand c'est de la prostate, en panique, rien. Et faut qu'on dise moins que avocat pas qu'à intéresser, quand c'est de la prostate, et réparation pas qu'à intéresser. Et en commencer à traper ces explications-là après. Par exemple, mois passé, j'étais invité moi à une conférence, donc quand t'as écouté, on s'est cisé pour goûter, et à un moment, t'as mis un pêcheur qui t'a parlé. Et il t'a parlé de Sayoja recevoir. Bon, effectivement, il recevait jusqu'à 30 000 euros. T'as mis un plan qui décidait en 2015. Donc, plan décidé en 2015, c'était un plan d'aide à la pêche hein, pour les pêcheurs qui sont obligés de sortir, sillonner, puisqu'il y a 25 ans de cotisation, tout ça, l'État a engagé pour Bayo 30 000 euros. Bon. Et pour les autres à présent, la région t'a fait un plan à côté pour Bayo entre 10 et 15 000 euros. Bon. Alors, donc, qui fait que. Certains dans Yoke ont estimé que quand ils ont attrapé, faut pas y faire trop de vagues. Mais ça, c'est des bitins classiques. Premièrement, nous avons parlé de l'argent. Et deuxièmement, c'est Adam en situation qui raide. Chaque fond a prévoir pour taille. Donc, il a dit, bon, faut pas trop nous demander, puisque peut-être l'État peut payer ben nous aussi. Non plus. C'est une situation derrière, il alors, peut toucher. Donc, Gavin dit que, indemnisation n'a pas ça qui est plus important. Et c'est comme ça aussi que, par exemple, les mouns qui a levé bœuf, qui a levé cochon, cabri, tout ça, les éleveurs, c'est coup de main à ça que l'État est baillé. En 2013, les décider comme ça que au lieu de mettre une limite maximale de résidus pour les viandes rouges, au lieu de mettre à 20 microgrammes, on va mettre tolérance là à 100. Parce que là, il y a trouvé un bête qui n'est pas conforme. Il y a saisi bête là et métal n'est pas indemnisé. Ou quoi vrai? Là, on peut pas mettre des machins, on peut pas mettre les bonnes dispositions en place. Donc, maintenant, il va être indemnisé. Donc, solution-là que l'État a trouvé pour permettre de placer même des bêtes qui étaient malvades, qui étaient malades, qui étaient tout ça, qui étaient une trop couleur d'école, eh bien, c'est monter les seuils, et comme ça, toutes bêtes-là qu'on va présenter, et bien l'abattoir a pris. Il a pris en l'aide d'eau à la population là. En l'aide d'eau à la population. Bon, alors c'est bon, ça c'est on machin, on remarque quand t'es fait. Et on t'a voulu parler aussi de moun nous contrer parce que on a discuté et puis des moun qui a trouvé une victime du chlordécone pour ni débiter qui assez raide que qu'on attend quoi ni débiter qui assez raide que qu'on attend mais chaque monde en coin aille bon donc il pas savent si ça est capable si c'est normal pas normal et pas savent si il tout seul capable ça alors bon ni différents genre de monde qu'on nous contre mais par rapport à souffrance ça par exemple ni des paysans des ouvriers agricoles mais agriculteurs que ma chaîne que nous contre et teni yon en monde qui t'est arrêté Saint-Claude attends Philippe avant on aille plus loin et on y a une question là et qu'a les plantes qu'a dit parce que quand on a créé les plantes quand on a dit les plantes les sociétés qui a planté bon non ah les gros les oui gros. Les gros parce que mine de rien bon les agriculteurs ok ils sont malades mais qu'a ça qui t'est qu'a employé yo qu'a dit les gros yo pas d'accord et puis ces démarches là ça parce que yo même y'a non démarches de lobby yo essayé trouver des arrangements pour yo même et en plus yo toujours plus, dans ça parmi les gros ni ça c'est yo qui t'a introduit chlordécone dans l'incident. Donc yo pas guère d'accord pour bidar bouger trop. Effectivement, yo fait qu'échanger non, yo pas guère d'accord même. Et il est là encore qu'a dit moi ça là ça mené moi mais loin même. Donc ni par exemple on moun quand t'es jeune, c'était un vieux paysan gourbet, c'était un bon Bougla ça. Ils nous comme ça que yo opéré de la prostate, ils nous conseillent de la prostate. Bon, mais là il t'a parlé, il t'a expliqué que il fait deux opérations à la prostate. Alors on m'a dit mais qui ont arrivé faire deux opérations à la prostate. Ils me disent pas ça, il opéré deux fois. Et on s'en mis médecin qui était sisé côté moi, il dit mais on s'en a bon ben je vais t'expliquer après et puis après il dit enfin il dit moi débuté bon on pas même ça on peut dire ça enfin non on peut pas dire ça comme ça là c'est à dire que normalement le café on ablation de la prostate le carotte il a carotte tout mais eh bien, si par hasard, il a oublié par exemple ton morceau, eh bien, ça va continuer encore, maladie va continuer, et il est obligé d'opérer encore. Qui a fait que, pour le même couillon là, on a deux opérations. Hein? Donc, deux taxations. De l'argent. Voilà. Donc, il a opéré deux fois. Donc, c'est plus longtemps là. C'est plus volontaire. Ah non, bah, pas du tout ça. Mais je suis médecin. Moi, je suis pas médecin. Ah, pas du tout ça. Ah, pas du tout ça. Et après, donc, monsieur a trouvé, il a dit nous comme ça, à présent, il y a un continent, il est picouchaï. Et pendant qu'il a parlé de nous, il dit nous qu'il a sorti, puis ça l'a roulé, quoi. Bon, puis ça l'a roulé. Bon, et puis, madame Maï, celle qui était madame la Péfébaï, c'est fauter doigt et bail. Donc il n'est pas ni pour rapport madame là puisque bon et ben il y a machin mais et ça mon qui l'a ça fait il était en 60 ans et il était dit ça bon mais on a senti que c'est un bitin ça pas facile mais ni différents genres de témoignages là mais et justement ou qu'a senti douleur à ces bougla qui pètent justement virilité. Et nous avons d'autres bougs capacités à présent. Bon, il parlait, nous avons discuté entre nous, bougla, j'ai retraité. Et il dit nous comme ça, l'ayo opéré, qui genre ça modifié justement. C'est que ça, c'est ça qu'il a dit nous. Hein. Il nous avant était tel genre. À présent, il était tel genre. À présent, il a son petit doigt. Bon, donc, Bougla a dit ça. Et donc, c'est là aussi, c'est en souffrance. C'est en souffrance qui est important. Alors, par rapport à ça aussi, nous avons d'autres Bougla. Nous te joignons Belo Cadeau, ils nous savent que toute zone là ça, ni on l'eau Claude Décone a dans ça. Alors, ils disent ça, ouais, il servit et Claude Décone, Ils ont diagnostiqué un cancer de la prostate. Bon, mais c'est le bitin, quand ils voient qu'ils commandent toujours, donc ils préfèrent ne pas opérer, conseil qu'à satisfaire Madame Maé tout le temps, ils ne savent pas si peut-être c'est ça qui est chaillé, hein. Mais il préférait comme ça. Mais ça, bon, encore il ça, mais bon, mais c'est vraiment difficile. Et puis, d'autres témoignages. C'est un ouvrier agricole, il n'a pas ni 50 ans, ni 40 ans, qui travaille toujours. Alors là, on a dit qu'il travaille toujours. Et il n'y a fait, bon. On ne peut même pas dire ça ni parce que officiellement il n'y a pas diagnostiqué. Il y a eu un docteur, mais le docteur a dit pas n'y a. Bon, ça dit il a levé la nuit pour pisser des bon, petites gouttes, etc. Il a commencé ni mal. Bon, et tenions un ami médecin là qui a discuté et puis, et nous des médecins de l'association là. Et Zamila a dit comme ça, mais tout ça, c'est les signes cliniques d'un cancer de la prostate. Bon, alors, médecin n'a pas voyé au labo. Il est vrai que Bougla, il a dit nous comme ça, il a 4 simoun, il a gagné 400 euros chaque mois. Bon, donc, il n'a pas voyé au labo. Et il y a là aussi, parce que, il y a le docteur aussi, parce que Gren a été gonflé. Gonflé. Et donc, il a gonflé, dégonflé, ça a été fait. On joue au docteur, il a gonflé. Alors, le docteur là, après qu'il dit non, jusqu'à ce que tout le monde est. Alors, le docteur là, il prend un cigarette. Il dégonfle, il ôte le liquide là, et il dit, il n'y a pas rien encore. Il pas voyé prélèvement là, il pas voyé en analyse, pas voyé au laboratoire. Et les en mandé Bougla, mais au départ en mandé, mais parce qu'il était cisé, nous a parlé, en mandé, est-ce qu'on a un problème de santé? Bougla qui commence à pleurer, et dis-nous comme ça, il paie, parce que les gens comprennent ça. Ni docteur là a dit, il n'y a rien, mais Quand il a fait mal, toujours qu'à lever, toute la nuit, il doit bout, et puis, on court, il a gonflé, dégonflé, tout ça là. Et bon, et Bougla, c'est machin, c'est pleurer, pleurer. Alors, qui j'en ai qu'à faire ces suivis-là, ça, enfin, ni un problème. Et ni vraiment, chaque monde, c'est un machin, c'est une situation. Il y a d'autres monde que nous te joignons, Zabim, nous te fait en conférence. Donc là, dis-nous comme ça, lui-même, il demandait la parole après la conférence, là, il parlait, il fait un témoignage. Lui-même, il a travaillé. A donc compagnie d'assurance, il est responsable en bureau d'assurance. Il ne peut jamais être mis en terre. Tout près de la retraite, hein, il ne peut jamais être mis en terre. Mais il était un genre inquiet. Il demandait médecin à faire un dosage de chlordécone. Faire une ordonnance pour un dosage de chlordécone. Et faire une prise de sang. Et analyser ça là. Il dit qu'on ne savait pas à comprendre. Il trouvait plein de l'ordre de Konogoy. Et il n'y a pas agriculteur. Bon, mais effectivement, si on a dans la commune à présent, il n'y a pas qu'à changer ces filtres-là. Et l'eau a passé au cabot de l'eau, c'est ça, vraiment, au cabot de l'eau. Au cabot de l'eau. Alors, à propos de l'eau, moi-même, on te voulait dire un bitin aussi. Ni, on j'ai le grand débat que Macron a organisé. Macron, le 1er février, il recevait les élus d'outre-mer à l'Élysée. Le 1er février. Et en moment, ni Beaujean qui prend la parole. Docteur Beaujean qui prend la parole. Et Beaujean a expliqué comme ça qu'en octobre dernier, eh ben, l'ARS prévient que eh ben, les filtres étaient saturés, étaient pleins, de calé cyclone qu'on a passé. Il faut prendre l'arrêté municipal pour interdire ces madame enceinte-là et les filles de moins de 6 ans. Faut interdire au bois de l'eau. Bon, alors c'est vrai que Ramdini, qui était adjoint, dit qu'on s'en va, mais les autres à présent. Donc il y a aucun bois de l'eau empoisonné, alors. Enfin, mais bref. Mais à part les ça, Beaujean devait insister. Beaujean dit comme ça que ils suivent que Capestec a livré de l'eau à un paquet de communes. Les restes demandaient les Capestec, il n'y a pas bois de l'eau là. Et l'eau là continuer à dans ces autres communes là et c'est mon a continué boy parce que entre le moment où l'ARS signalé ça et dit prend arrêté là ni un problème en aide l'eau là et le moment où ils ont changé ces filtres là ni 6 semaines qui écoulé 6 semaines moi ça commandé qui gens ont monde qui médecin ou prêter un serment le serment d'Hippocrate. Au cas où il y a empoisonné restant population là dans ces autres communes là, on peut pas ouvrir guerre là pour dire qu'on s'en est ni un problème et faut dénoncer ça. On pas comprendre. C'est ça c'est bien moi dire parce que les témoignages ou cadre des médecins qui a fait ci qui a fait ça, mais quand même là où sont médecins ou sont médecins. Alors donc qui gens ou cas dit des moun ou j'assab mon amal ou quasi mon ak et mon ak pas ni a rien. Donc si vous voulez continuer à vivre normalement et puis pas contente. Alors ça fait en octobre et c'est en février que j'ai confessé devant Macron et qu'a demandé Macron qui j'en s'appelle fait. Macron dit non, il doit y avoir une erreur, c'est pas possible et il a changé le sujet. Mais en attendant, ces populations là qui a payé. Mais Philippe envie moi de m'habiter. Est-ce qu'il y a dans tout combat qu'on a mené, toute action au Cameroun ici Chlordécone, est-ce qu'elle est responsable à pays Guadeloupe? Est-ce que vous ca joignez, est-ce que vous ca parler baio et si vous ca parler baio, qui je ne ca réagir? Est-ce que c'est mon ça avait parce que quand même c'est un problème de santé publique, ça veut dire que toutes les responsables à pays Guadeloupe doivent être derrière, car parce que c'est un bitin qui concret, à part on histoire, on timboisette, c'est un bitin qui réel. Eh bien, ni de l'année que nous a roulé, et chaque fois nous écrit les élus, ils ne peuvent pas répondre. Ni un seul qui répond, nous, c'est Jalton pour dire qu'on sait bien recevoir les temps. Merci. Bon, voilà. Bon. Non mais nous carrément ça mais ça grave hein. Bon. Ça veut dire si on canalise, si on trompe mandiment, ça veut dire que en côté si on a sa complice et yo d'accord avec tout ça qui a fait ici dans. Yo complice à danger yo d'accord, mais si yo ka mette yo pas d'accord yo ka mette yo debout, problème pour réélection à you, problème pour financement à partir à you, problème pour financement à projet à you, c'est tout ça. Mais santé. Les ou machin ou en y en âge et puis colonialiste là, c'est mais ça. Santé, c'est ça. Nous pas de ça, mais tout le monde a dans. Mais soit détail, ni un paquet de nègres, bon, deux trois rameaux, deux trois qui stérilisés, bon, ça n'a pas qu'à déranger la France. Hein. Ouais. Alors, donc parmi ces mouns là, quand t'es contre là, en TV, il y a aussi d'autres cas, par exemple, on madame qui a dit moi mon lit non lit pas ni rien en cas dit ouais mais c'est pas forcément pour par exemple peine des problèmes de puberté précoce et tout ça il dit moi ça et c'est vrai ignore monde qui très précoce etc et en TV bah justement là encore bon on donne témoignage ni un jeune couple que nous connaissons, a fait jeune couple, maman ni 59 ans, bon, alors donc depuis jeune, vous êtes ni la trentaine, yoni anti-fille, effectivement, qui précoce, c'est-à-dire arrivé bonnet, tout ça, ça arrivait avant 7 ans, et papa là et maman là. Avant 7 ans? Oui, mais. Nous ni des médecins qui ont témoigné que y avait des petites filles qui réglaient à 3 ans ici dedans. Ni un médecin gosier, nous pas même capester. Si nous avons attrapé Rega il y a à 11 ans, on t'a trouvé ça tôt, parce que pour moi, il pitit toujours. Avant 7 ans, même à 3 ans. Oui. Et ni un médecin martinique, le professeur Mbou, il a interviewé en décembre, et il t'a dit que plus jeune malade, parce que lycée spécialité, c'est Timoun, c'est un pédiatre, qui tenait une puberté précoce, c'était 2 ans et demi. Ouais, mais ça veut dire qu'en principe, les règles qui arrivent, il faut expliquer, il faut faire attention, tout ça. Là, il y a 2 ans et demi, mais qu'on va faire. Donc ni problème là ça. Donc quand t'es qu'à oublier ça t'es qu'à un jeune couple là. Ah oui voilà. Eh ben jeune couple là à présent. Eh ben yo ni justement en timoun en puberté précoce. Alors mais yo pas d'accord parce que maman là il veut faire un médecin suivre timounaï. Et papa là dit, il n'est pas Tifi, il prend pas un médicament. Bon, alors, donc, mais Tifi là avant, il était qu'à faire gros cas. Il était qu'à danser, il était qu'à vendre, et il était bien aimé ça. Papa là décidé, eh bien, il était metté en judo, si jamais normal marqué, qui a attaqué, parce qu'il avait un uniforme, pour qu'il ça défendre. Otimoun a 7 ans. Otimoun a 7 ans. Alors, donc, on discutait ça et puis justement des médecins qui n'ont dit dans l'association là. Et ils ont dit nous comme ça que normalement, faut gérer ça, faut faire bien attention pour gérer ça parce que laisser un machin, laisser une puberté précoce, Timouna, il peut ralentir croissance à grand bonnet et il peut venir un Timoun qui très coûte et éventuellement il peut même venir un nain. Il peut même venir on est. Donc, faut gérer ça bien. À part forcément, puis judo, il faut gérer. Mais médicalement même, il faut faire attention. Mais il faut ces parents-là informer. Ça veut dire qu'en côté, on peut parler de inconscient. Ça veut dire que. Il n'y a pas informé du tout. Il n'y a pas informé du tout. Et donc, il y a des gens qui pensent que, par exemple, conséquence à chlordécone, c'est cancer de la prostate. Les gens qui mettaient chlordécone en tête là. Dans les années 70, 80, 90. Et que moun à présent, moun en fait les petits moun, les moun à présent, pas épanoui ça. Le problème là, c'est que chlordécone là, il est en activité, si il n'est pas cassé, il a été actif pendant 700 ans. C'est ça qu'il nous a montré. Bon, qui fait que l'homme moun qui a rentré aujourd'hui joue, en l'honte qui recevait chlordécone, il a trouvé exposé, considéré ses premiers jours là, il mettait chlordécone là dedans. Et donc, ça peut déclencher en lobby. Alors, on d'autres informations. Oui, bon, on fait ni la série des autismes aussi, autisme, ni de plus en plus autistes en Guadeloupe, et ni des études en particulier aux États-Unis qui a montré qu'il y a un lien entre pesticides, entre pesticides et autisme. Alors bon, nous rencontrons des gens aussi qui disent nous comme ça, ouais, bien, non, si nous avons aussi, non, mais nous avons là qui est autiste, hein, mais bon, mais il n'y a pas qu'à faire le lien, Et surtout, l'État n'a pas qu'à diffuser l'information là, parce que sinon, ou qui attaquer ou qui demander dommage intérêt. Et en TV, il y a aussi d'autres précisions. Bon, alors, donc, avocat là, il élaborait un questionnaire. Il fait un questionnaire pour voir s'il peut défendre le dossier là. Questionnaire là, ça, nous mettez en les pages Facebook en nous. Donc, chaque monde peut aller chercher, et ou quand remplir questionnaire là. Et après ça, ou qu'a voyé, soit en courrier, soit qu'a voyé courrier papier, soit qu'a voyé par mail, il mettait adresse par en bas. Bon, donc tout le monde peut aller chercher les pages Facebook en nous. C'est Envie Santé, donc ENVIE Santé, ou pas qu'a mettre accent là, donc il va faire ENVIE SANTE. Bon, donc Envie Santé. Donc j'ai téléchargé questionnaire là ça. Nous avons questionné Claude Déconne. Et nous avons un genre de feuille à présent indemnisation des victimes du Claude Déconne. Et là, justement, apporter petit moins précision pour les gens qui comprennent qui est exposé, qui est victime et qui genre de maladie peut trouver concerné. Parce que Claude Déconne, son bitin qui. Perturbateur endocrinien, il spermatotoxique, il neurotoxique et il cancérigène. Bon, donc, ni on l'obitin sa cachaille. Par exemple, si nous prenons un mot sur la cancérigène, eh bien, ni des mouns qui ont développé des cancers du sang, des petits mouns qui ont développé cancer du cerveau. Moi, en enseignant, à garçon, j'ai peut-être 3 ans. Tenir une étudiante en moins qui était enceinte. Et bon, il était quelques temps absente, et bien on revient après ça en septembre. En septembre, on m'a dit alors, bon, comment ça va? Dis-moi, il dit bien, il m'a dit, et Timouna. Alors il dit, mais Timouna, l'enfant, ça va mieux. On dit, mais comment ça va mieux? Il dit, mais comment ça? Ouais. Il a une tumeur au cerveau, le médecin a dit, mais ça ira. Ça y va, premier Timounaï, il est peut-être 22 ans, comme ça. Mais, docteur l'a rassuré, ça y va, pour lui, il y a deux vitesses normales. Il a voté Timounaï en machin cerveau. Et bon, on dit, bon, ok, d'accord, ça y va. Donc, Philippe, nous qui faisons un antipause. Antipause. Parce que c'est des informations qui sont importantes. Ouais. Faut nous être attentifs. Ouais. Oh, à l'assassin bourreau. Aïe, pays en moins empoisonné. Oh, à l'assassin bourreau. Avec Claude Déconne, ces messieurs lavent les fines battes avec nous. Est-ce que ça vaut faire chanson? C'était pour chanson. En pesticide, les autorités autorisées, utilisées. Dibitation, le traité qu'a dévoré. Voyons donc les hommes arrêtés, fégés. Désigner les coupables, s'il n'y a pas cuit, biche cacador. C'est pour laver enterrer nous, sans même prendre, sans faire un mess. sanctionné, européanisé. Continuant c'est pas pays à ces pays dollars. Je dis nous c'est des privilégiés, ils paient nous payer, nous caille indemniser. En attendant, ma pour nous, si je dis jour, nous tout l'ordre. Qualité ou moun dérobe sa consommer avec ça pays en nous qui est développé alors planter et organochloré ma foi peine si t'es la gâtée. Philippe. Oui. Alors, on te fait parler de qui Jean Moun peut trouver exposé au chlordécone. Alors, classiquement, Classiquement, Léo Servier et Claude Décone, par exemple, sont un agriculteur qui retraité, ou tu as mis Claude Décone, assez souvent, c'est mon ami, tu as Poudla, tu as mis Poudla dans le seau, tu as mis de l'eau, tu as mis les mains, tu as mis en pied, assez pied manon. Bon, donc, si tu as exposé direct, mais ni aussi quand tu as dit là, les agriculteurs, qui travaille en les des terrains contaminés, j'ai exposé même gens là. Bon, ni problème à les particuliers à présent qui mettaient chlordécone parce que chlordécone, j'y mettais ça en jardin à yo, parce que chlordécone à présent était en vente libre, à dans, même à dans des grandes surfaces où tu peux acheter chlordécone. Et ni on a mis en manque à été capesté. Ils disent même comme ça, famille aïe, fait Jaffa, programme Jaffa, analyser jardin là. Donc, analyser jardin là. Et normalement, l'inra qu'a dit que ni on sera créé on loi des 1/5, c'est-à-dire que t'es là à présent, il qu'a transmettre au maximum 1/5 de contamination à elle. Il a metté dans ces produits-là qui a poussé, ces végétales-là qui a poussé. Bon, donc, quand norme là présent, c'est 20 microgrammes, au maximum, faut être là à 100 microgrammes. Et on va diviser par 5, à 20 au maximum, par exemple, dans les légumes racines. Eh bien, là, ils ont analysé ça, là, ils ont viré, ils ont dit comme ça, il ne faut pas y manger à rien encore, en disant t'es là, parce que t'es là à présent, tu es à 18 000. 18 000, et donc, l'on a divisé par 5, c'est entre 3 000 et 4 000 qu'on peut trouver dans les légumes racines qu'on a poussé à Dain, au lieu de 20. 3 ou 4 000 microgrammes par kilo de matière fraîche, au lieu de 20. Bon, et donc, il était sorti tiré papa là, il était né en cancer de la prostate, et il y a simplement, il y a attendu à présent, qui moune qu'a passé, puisque Papa là, il mangeait en jardin là. Cet timoun a mangé en jardin là. Et il a fait timoun qui était à mon jardin. Et l'étude de Kaou Postat, par exemple, qui a montré que l'éonie en exposition significative au chlordécone, eh bien, c'est entre 30 et 40 ans après que son cancer là a sorti. Bon, donc. Les familles qui attendent. C'est une famille qui Oui, mais il n'est pas tout seul. Mais il n'y a pas quête. Parce que les familles qui sont capables de manger, ils sont capables de les cousins, les cousins. Oui, mais surtout qu'il y a un lot de monde qui fouille ça dans le jardin. Puisque l'État est dit, l'INRAT est dit, c'est très bon. C'est très bon, il faut que l'on déconne. Alors, ni ces pêcheurs-là, parce que ils ont considéré à présent comme les premières victimes, les pêcheurs. Ils ont mangé poisson qui contaminé, parce que quand on est passé en l'an, mais ni y a un paquet d'espèces à poisson qui contaminé selon les zones. Bon, les consommateurs de viande, ils ont dit acheter viande, poisson, fruits, etc. Acheter dans les circuits informels. Hein. Bon, c'est ça, ils ont dit. Bon, tout ces mangers là qui plantaient en laisse des sols qui contaminaient, et puis les mouns simplement qui ca boit de l'eau au robinet à présent sans savent que y'a pas à changer ces filtres là, et ça arrive régulièrement en Guadeloupe. Bon, ça y était dit par exemple Goubert, ça t'est fait Goubert aussi. Eh ben Michel, t'es ni un responsable à la communauté d'agglomération qui t'a dit ouais, mais bon, en fait, ces filtres là c'est cher quand même, quoi. Donc, il y a qu'à laisser. Filtres à charbon actif. Filtres à charbon actif. C'était à Goubert que tu étais pris 6 semaines, pas à Capester, à Goubert, que tu étais pris 6 semaines pour changer. Et en principe, les spécialistes de l'endocrinologie et de la toxicologie, depuis un grand colloque qui était fait à Washington, ils ont montré que ça n'y a un impact sur les femmes enceintes en les timouna qui est en ventaille aussi, mais ça n'y a un impact en les timouna, en les yoka fait, jusqu'à l'âge de 12 ans, jusqu'à l'âge de 12 ans, c'est-à-dire jusqu'au début de la puberté normale, tu vois, à l'âge de 12 ans. Et donc, qui genre les reste dit comme ça, eh bien, ou quand empêcher ces timouna à boire de l'eau contaminée, mais ou quand empêcher eux jusqu'à l'âge de 6 ans. Qu'on ne pas faire trop de dépenses à de l'eau. Ou trop de dépenses à de l'eau en bouteille. Voilà. Donc, c'est assez particulier. Alors, on t'a indiqué aussi les différents axes de maladie. Donc, parmi les cancers, cancer de la prostate, cancer du sein, cancer du foie, cancer du rein, cancer du cerveau, les différents cancers du sang, neurotoxiques, donc Parkinson, Alzheimer, et puis toute la série des 10, les timoun qui confondent les dyslexiques, dyscalculie, dyspraxie, etc. Dyspraxie qui font un mouvement pour d'autres. Hein. Dyscalculie, bon, il n'y a pas de problème pour calculer parce qu'il a mélangé ces chiffres-là. Mm-hmm. Et ça, c'est une difficulté. Mais ça vient de certaines zones en cerveau-là que ces pesticides-là, en particulier chlordécone, qui a attaqué. Et les pertes de conscience intellectuelle, nous t'avons épi l'étude Timoun que cette Timoun a payé de 10 à 20 points de quotient intellectuel, troubles de la motricité fine, donc yo pas obligé savent marrer bouton à chemise à yo, yo pas obligé savent qu'imbé un stylo par exemple pour écrire, qu'imbé un cube, qu'imbé un tout ça quoi, yo pas quand il veut faire c'est quand il la pince et puis pour ça yo pour fermer. C'est bizarre parce que c'est majoritairement cancer de la prostate qui sujet à chlordécone. Non. C'est pour ça qu'on a tiré attention à ces mouna. Si on a vu ça, c'est des conséquences aussi à chlordécone. Et avocat là, il a pris l'association là. Oui, oui, oui. Et document là, justement, nous mettons en les sites là, ces pages-là, nous avons essayé indemnisation des victimes du chlordécone et c'est une page d'explication. À qui moment vous exposez, à qui moment victime, qui genre de maladie peut apparaître. Oui, on sait qu'il y a des fuites qui ont existé, qui nous permettent à s'y robiner en nous. On savent qu'il y a des fils qui existent qui nous permettent à s'y robiner en nous. Est-ce qu'à penser nous peut conseiller Guadeloupéens acheter ces fils là ça pour installer ça à Casayo? Alors faut nous faire ça. En commencer à discuter ça et puis un collègue à l'université qui est chimiste, Sarah Gaspard. Et Sarah dit moi, il pourquoi faire ces tests là? Mais bon, ça méritait fait pour informer la population là. Effectivement, nous avons le monde qui a posé ma question là, mais il faut s'en bien, oui, bien fait scientifiquement. Mm-hmm. Et à quel moment c'est ça relancer ça? Oui, parce que vous savez que nous avons l'entreprise qui est sortie en France, oui, qui a vu un débiteur pour mon égazimou. Et bon l'argent. On peut dire ça parce qu'on a des gens à la famille en Kiné et on sait qu'il a payé sa partie traite. Mais c'est ça. C'est ça. C'est la question que pour ces gens attendent, c'est est-ce que les gens qui sont et à Kazayo, est-ce que ces gens-là sont protégés réellement? Est-ce que ça a une action qui bénéficie si de l'eau là? Est-ce que ça a servi ou bien c'est juste un marketing, un l'argent qui est bien fait? Parce que ça dépend, il n'y a filtre et filtre. Parce que tout filtre, tout filtre, pas tout filtre. C'est-à-dire qu'il semble que c'est filtre à charbon actif qui a filtré chlordécone là. Oui. Et donc faut voir ça, précisément, scientifiquement. Quoi. Donc, parce qu'on l'a mouni ça, hein. Oui. On l'a mouni ça, c'est tellement cher. Donc ni des gens qui paient, il y a qu'à point, mais les gens qui ne paient pas. Donc ça veut dire que ça a un vécu et savent à savoir, est-ce que ces appareils-là, ça efficace réellement. Mais oui, c'est ça la question là. Il faut question vraiment là mettre les doigts sur ça et que bon fait la vérité sortie par rapport à ça. Oui. Parce qu'on a pensé que nous avons suffisamment payé de vie en nous, de mounouiller, que pour nous payer bah, mon argent, pour faire l'argent si doit en nous, alors que nous pas demander pour mon aïe. Alors, ni des troubles de monde qui ni même des timons, des troubles de l'audition, et il a mélangé ces sons là, ni des monde qui ni des troubles de couleurs, mais il y a pas daltonien, mais il a mélangé ces couleurs là, il y a vrai en couleur, il a vrai c'est divers, mais il y a pas savent qui couleur, il y a vrai, il y a pas savent qui couleur, il y a vrai, et de même que il y a tant des sons, il y a pas arrivé à distinguer ces sons là, donc c'est une sacrée éducation, il y a pas arrivé à distinguer ces sons là. C'est ça des machines, c'est des infirmières, là c'est des infirmières à Bastet qui t'a dit moi ça a été constaté parmi des timons à maternelle à Bastet. Mais en même temps, c'est pesticides, entre autres, qui a provoqué. Troubles de la latéralisation, confusion droite-gauche, haut, bas, etc. Troubles de la temporalité, avant, après. Troubles de la mémoire visuelle à court terme. Peur de la nouveauté. Troubles de la concentration et de l'attention, autisme. Bon, conscient perturbateur endocrinien, tout ça qui perturbation à hormones encore. Mais diabète aussi, c'est une perturbation à pancréas. Donc, pénion lien. Bon, mais tout hormone encore, eh bien, les perturbateurs endocriniens qui ont modifié. Oui, thyroïde, tout ça. D'accord. Les différentes malformations, parce que là, ça peut arriver en vente à maman. Donc, malformations, non seulement des membres, des organes, mais. Par exemple, malformation aussi de l'appareil génital masculin. C'est-à-dire, par exemple, ces petits garçons-là, si on peut dire que ça a commencé à arriver de plus en plus en Guadeloupe, ils ont fait et puis on tout petit kiki, mais tellement petit, ils ont créé sa micro-pénis. Et il peut pas quimber pour pisser, obligé 6-0 madame pour pisser. Il peut pas quimber pour pisser. Bon, ou bien qu'a fait, et quand on a été en disant à quoi là, faut opérer pour faire sortir. Ou bien, trois pissas là à présent, au lieu de trouver un bout à kiki là, il peut trouver derrière graine là. Donc, ça a migré. En bas qui a tout ça, devant Grenla, derrière Grenla, selon à qui moment maman l'a trouvé exposé. Et donc les pubertés précoces, diabète, et bien entendu tous les troubles de la fertilité, donc des difficultés à avoir des enfants. Philippe, avant de continuer, vous parlez déjà fatalé là. Oui. Est-ce que vous savez si ce programme-là a toujours fonctionné? Et le programme là, il toujours qu'à fonctionner. Et pour moi, le programme là, ça, c'est un programme que bon, l'État mettait en place pour apprendre le monde à organiser un sol qui est contaminé. C'est-à-dire que vous pouvez apprendre vous installer là. Et bon, vous pouvez apprendre vous planter si manger là. Bon, en juin. En disant cela, mais parce que si l'État t'a qu'a dit par exemple cela ça a trop contaminé pour un monde peut ça manger, l'État t'est obligé de dédommager monde mais installer au d'autre côté ou bien investir pour dépolluer cela. Au lieu il fait ça, il va apprendre vous et ben restez là où il est là. Que tu veux, vivez pays. Et adaptez. Ouais. Et Nyonboum, c'était l'ancien président du comité scientifique international du plan Chlordécone 1 et 2, c'était William Dab. Il était ancien directeur général de la santé en France aussi. Et William Dab, il dit comme ça, il a passé un long côté à travers le monde, il était qu'à étudier justement les problèmes, les catastrophes sanitaires et tout ça. Et donc, la Guadeloupe et la Martinique, c'est seul pays, j'avoue, que des mouns qui vivent dans un sol contaminé, et ils sont obligés de planter en les sols contaminés là et manger ça ils ont planté. Il dit pas, il pas gêné ça pond d'autre côté dans le monde. C'est en Guadeloupe, en Martinique, tout seul. Et il dit ça, les démissionnés. Et à un moment-là, ça a retrouvé liberté de parole. Hein. Mais ouais. Bah, on t'a fait. Bon, bah, si programme Jaffa, internet, bah, il n'y a en site. Donc, programme Jaffa, c'est programme des jardins familiaux. Et bah, pour ça qui est intéressé, il n'y a en numéro, 95 41 17, c'est en téléphone fixe. Ils ont pu crier s'ils avaient fait analyser ça. Par exemple, ça, on a pensé que c'est un bidon qui peut intéressant pour analyser cela. Il a proposé des analyses qui sont gratuites. Bon. À quittant, dépistage là gratuit. Ah oui. Parce que justement, oui. En pétition, excusez-moi, qu'a circulé actuellement sur internet pour nous payer ou là nous commander dépistage à chlordécone gratuit. Oui, donc, oui, l'État n'est pas guère d'accord. Et puis ça, je dis ça, tenu en conférence en octobre. Ça pas étonnant. En Martinique. Et tenu un bougla qui a présent à trouver directeur général de la santé, c'est Jérôme Salmon. Et il vient bien insister qu'à dire que les gens savent combien de chlordécone qu'il y a encore, ça qui inquiète eux, donc pas la peine nous savent ça. Oui, nous qui fait qu'on pour amiante là, ça caminé ou donc faut y débourser. Philippe, il y a trois presque éca. Oui, attends, Non, justement, continuez parce que bon, sujet là important. Donc. En précision encore, c'est que la FONCA dit nous comme ça, que OP fait une demande d'indemnisation pour vous. OP fait une demande pour Timouna, par exemple, si Timouna a des problèmes et c'est Timouna bien exposé. Mais OP fait une demande aussi pour un parent, papa ou maman, qui était exposé au chlordécone et qui jamais mort. Donc, on a fait en tant qu'ayant droit. Et ça, c'est une information qui est très importante. Parce que l'OCA discuté en particulier dans le milieu agricole de tout ça, monde qui j'ai allé pour cause de cancer et des monde qui servit et puis chlordécone. Là aussi, si Timouna a été trappé en bitin, ça t'est bon quoi. Ça t'est bon. Qui gens ces moun là peut trapper questionnaire là pour yopé mander réparation justement ainsi ça. Vous pouvez rappeler ces coordonnées là. Oui. Donc faut y aller à la page Facebook à Envie Santé. Donc ou ka taper Envie ENVIE. Il faut mettre là puisque c'est environnement vie et santé. Donc ENVIE. S-A-N-T-E. Donc, ou qu'à taper ça, ou qu'à arriver dans les pages là, ou qu'à chercher questionnaire chlordécone, et ou qu'à télécharger aussi document là, titaille, c'est indemnisation des victimes du chlordécone. Ouais. Encore rappeler les différentes victimes, c'est les professionnels. Par exemple, qui servait épichlordécone n'a été autorisé. Les professionnels à présent qui toujours travaillent en l'air des sols qui contaminés, donc des agriculteurs par exemple actuellement, des ayants droit à moun qui étaient des victimes professionnelles mais qui jamais, même si ça a fait quelques années, plusieurs années que jamais, c'est ça avocat l'a dit moi. Bon, donc, femmes, enfants d'agriculteurs décédés, des victimes non professionnelles contaminées par l'alimentation par l'eau. Donc ça, c'est tout le monde? Mais oui, c'est, en fait, c'est... c'est tout Guadeloupéen. Hein? Mais oui, et des ayants droit de ces victimes non professionnelles et des enfants mineurs rendus malades par le chlordécone. Donc ça a visé toute population. Oui, oui, et à pas vraiment à pas approcher à Macron. Macron a dit comme ça que qui fait trop de monde pour être ça indemnisé, mais à pas nous commander, ce tribunal nous commander. Mm-hmm. Bon, et nous commander pour tout le monde à présent. À pas rien qui pour les professionnels, puisque c'est toute population là qui braille et manger, nous on les mêmes bateaux là. Mais moi j'ai attrapé indemnisation. Pour enfin bon ça a des on va savoir exactement quelle une idée question. Bon peut-être que ni des monde qui j'attrapé mais yo poko j'ai communiqué là ça pas en pas quoi que si yo attrapé, yo pas attrapé devant tribunal. Donc, d'accord. Mais on savent que ni des démarches qui qu'a fait ces jours-là, ça, ni différents avocats au fur et à mesure en trapper ces informations-là, des avocats qui a essayé justement trapper des victimes pour mais bon, ça, pour ça, défendre ça. Tout ça nous fait dire qu'on dit aller là, c'est que pour d'autres problèmes qu'on l'amiante, oui, oui. Il y a trappé indemnisation. Alors, pour des problèmes qu'on l'amiante, la vache folle, le médiateur, bon, le sang contaminé, tout ça, c'est entre quelques semaines et quelques années, il y a trappé réparation. Nous, qu'a fait 47 ans, il y a introduit chlordécone incident. 47 ans. Et là encore, qu'a vrai que nous c'est vraiment des citoyens de seconde zone. C'est seconde zone. Et comme par hasard, hein, là aussi il faut descendre. Mm-hmm. Exactement. Non, mais oui. C'est. Oui. C'est ça. Mais alors, Philippe, comme nous caillons tout à l'heure, alors, en question, est-ce que si des mouns qui besoin. Alors, par rapport à l'action ou qu'a mené, est-ce que par rapport à l'action qu'a mené devant la justice, est-ce que vous avez un fond, est-ce qu'il y a un butin pour peuple. Peuple Guadeloupe fait pour bas force, pour avancer, pour faire circulation, pour faire information aller. Est-ce qu'il y a nous des actions actuellement au niveau de envie santé qui est au caméné, qui ont envie de faire ça pour nous payer bas force là? C'est ça qui est plus important à présent, eh bien, c'est que les mouns prennent conscience qu'ils ont des droits et que, par exemple, moi, je suis encouragé à remplir ce questionnaire là. Et à voyer en masse, voyer massivement même, c'est pour ouvrir chemin là, pour que les autres aussi puissent prendre force, le voisinage peut prendre force, et pour que la France puisse ça respecter nous, c'est moins pire que ça. D'accord. Donc c'est ça en te demandé. Et peuple Guadeloupe, il jabant nous force là l'année passée. Ils ben nous de quoi justement faire les actions en justice et à présent et puis troisième volet là ça nous c'est justement fait que les mouns qui victimes eh ben ils trappent de quoi justement pour soulager via Yotibon. Donc profiter de ça et bon remplir questionnaire là, voyez questionnaire là. On peut laisser téléphone en moins si des mouns qui besoin demander moins plus précision. Donc, Philippe Verdol, téléphone en mention fixe, en panier portable, c'est 05 90 89 26 55. Donc, 89 26 55. Donc, pas hésiter. Et si vous avez aussi fait moi des témoignages, Ike servi, ils n'ont pas besoin de paix, ça qui est servi. D'accord. Alors, nous avons beaucoup de talent. Donc, moi, sans vidéo, Philippe, si vous êtes d'accord. Ben, prochaine émission, nous qui réinvitons, ou qui reviennent pour parler de chlordécone, parce qu'on a pensé que faut battre la population à toute information, puis bien comprendre réellement que nous sommes un peuple qui est en danger de mort, et que faut prendre responsabilité, faut prendre, de faire des actions, d'informer, puis ils savent qu'ils n'y a fait. Donc, nous qui réinvitons. Et la prochaine fois, pour payer bon, nous d'autres informations, parce que ça a importance sur ce dit-là, et ça grave. Mm-hmm. Et ça grave, il faut vraiment prendre conscience que ça. nous avons limite, nous avons position qui nous dans laquelle nous en danger même. Oui, encore remercier et nous ni des projets aussi pour sensibiliser ces médecins là à présent, parce que dans ces actions là ça au moment nous qu'ai besoin ni des certificats médicaux comme quoi ces médecins là qui a dit peut-être ni un rapport entre santé Amouna et le fait qu'elle trouvait exposé au chlordécone. Et avocat la business ça aussi pour faire dossier l'avancer. D'accord. Donc voilà. Ben Philippe Ducadou, merci. Merci de venir. Je suis très content de recevoir. Merci pour toute information qui est au bon nous. Donc, ou bah numéro de téléphone. Donc, moi, encore invité Mouna crier à chercher des informations, pas arrêter si c'est conseils qui disent fatalité. Non, c'est pas en fatalité. C'est des mouns qui ont toutes d'autres qualités mounes. Et nous doit à soins, nous doit à santé. Nous doit aussi que moun respecte nous et moun pas faire n'importe quoi et avec nous pour qu'on puisse comprendre que nous sommes des mouns sans rien. Donc c'est pour ça qu'il faut nous agir. Donc merci pour venir, merci pour l'information. Oui, ben merci Frédéric, merci Pascal aussi, parce que j'ai moi un bon petit moment pour t'aider ça parler. Et merci peuple Guadeloupe aussi, parce que ben, nous croyons ensemble. Oui, tout à fait. Donc nous avons bout à ces missions, nous. Donc on a dit, ben, tout peuple Guadeloupe, ben, merci pour écouter Azote. Et ben bel gobo pour la famille, pour les grands mères, les grands papas, les petits mouns, nous aurons l'école demain. Donc songez par ça à Azote. Et ben les mouns qui sont en émission là, ben informez les autres, pas arrêter si c'est et pas dire c'est une fatalité, pas dire c'est comme ça y est et nous ne pouvons pas faire rien. Mais justement, c'est parce que ils savent que nous avons raisonné comme ça, que nous avons forcé nous. Donc il faut nous réagir pour ça peut arrêter. Bon semaine pour tout le monde. Est-ce que ni des...